club near my place. Mange kyu sharinga. En Marseille, c'est gad-gad, braquage, secteur, la plage, vol à l'étalage, rabat, à patte, y'a la bac, y'a le bec dans ma poche, que ça claque, tout au bar, tout le monde, c'est le miri dans ma part, gravure, back-back, transport, frappe-frappe, RS 4-4, génération on back, poursuite, fausse plaque, ça braque, la snack, fumette, qui pack, corbière, restac, départ, pactage, gros casse, partage, jobber à l'étage, guetteur, postage, caddie, blocage, ça lève en rodage, la snap en otage, gros pilotage, blessé, dans la merde, vous m'avez laissé, truc de baiser, violent comme ici ou comme un DC, appelle-moi monsieur, j'ai un message, si ça alors, par un message pressé, pas de PGP, pas du CP, que du DP, j'fais des DP, hiver, été, au début, budgeté. Maintenant, mon sang, vous le mettez. Sur l'oiseau bleu, les haters disent que les ventes, ça veut rien dire. Sur moi, ils tirent quand j'fais un tube où y'a autotune. Ou j'fais de la thune, oui, de la thune, tellement que j'en fais. Si j'veux, j'vais sur Neptune. Ils mettent l'œil et des bâtons dans les jambes. J'bats les couilles, moi, du regardé. Genre, j'suis tout niqué, pourtant j'fais pas la légende. J'suis gentil, ne me rendez pas méchant. J'suis le tum-tum, sous la selle arrière, y'a le déjà Louise dans le sem-sem, posé sous le sem, trop médiatisé, c'est jamais moi qui portera le gun-gun. C'est Marseille en direction de Paris Centre, collaboration que je trouve très intéressante. Tu fides le poste quand il faut, dis-le dans le blog, dis-le de la jaune sur le banc, dis-le de la planche. Marseille en direction de Paris Centre, collaboration que je trouve très intéressante. Tu fides le poste quand il faut, dis-le dans le blog, dis-le de la jaune sur le banc, dis-le de la planche. Il est immortel. L'épidémie nous a niqué les bénéfices, on fait du sale de père en fils, mais rien n'est fini car j'ai des montagnes à gravir. Putain, ça va gravir comme la famille Kravitz, pyramide en granit. Dis nous mon grammy, que des couplets cali ou du coupé décalé. Le nord pas de Calais, détard comme un camer, détard comme un camé. Plus rien à regarder, le cœur est dégradé. Arme à feu de type A, c'est pour sur le crâne. Guinée, Guinée, Lambo, ouais, ça sent le cramé. Ça nous regarde mal, putain, mais quelle audace. Trou dans la carapace, fourbe comme Barabas, fourbe comme Balambala, Wena, Sana, Balabala, Pétina, Gambala, Souka, Tikano, Makamouana. Après minuit, je ne parle qu'en espèce. Plus de vis que ces petites vestes. Cool sous les poids de la presse, regarde-moi dans les yeux. Comme un lion que l'on dresse. Faut peut-être qu'on évite tous les sujets qui fâchent. Y'a le S, on le sait, sur le manche de la hache. G, I, qu'on déteste ou qu'on aime. Pour la suite, tout le monde sait que le J, c'est le S. C'est Mugi Warawino, mais c'est les stores. Je l'ai fait pour l'oseille et pour l'histoire. Balle dans le faussaire si t'es trop fort. Capuché et masqué dans le drugstore. En boîte, il envoie des bouteilles, pourtant le compte est débiteur. Faut voir les filles qui défilent et les millionnaires ont du bide. Les faux amis font la bise, mais ce n'était pas le deal. Et ça barre dans la ville. Est-ce que tu me suis? Let's go. C'est Marseille en direction de Paris Centre, collaboration que je trouve très intéressante. Tu fides le poste quand il faut, dis-le dans le blog, dis-le de la jaune sur le banc, dis-le de la planche. Marseille en direction de Paris Centre, collaboration que je trouve très intéressante. Tu fides le poste quand il faut, dis-le dans le blog, dis-le de la jaune sur le banc, dis-le de la planche. Putain madre. Je gifle en face, j't'insulte au GSM. Les étoiles dans la bulle du GSX. Et j'passe les BH dans le diesel. Plaque diplomatique de l'ammoniac. Du crack, de la cocaïne, du plastique. Des semi-automatiques, ma fac. Posé sous le clic-clac, dictature. Comme un uniforme dans la gardave. Comme un cruciforme dans le cadenas. Chez les fjords, moi j'suis pas de là. Y'a du sang mais y'a pas de larmes. AK dans le 4-4, plaquage au sol. Comme un old black, comme un old crack. Qui fait 30 plaques avant midi. J'donne un PGP à IT. Vol en business pour la Libye. Là y'a Mugi en haut des charts. Et y'a le J dans le maquis. Le matin j'suis sur Biggie. J'fais la catin. Pour des roupies, tout le gratin dans la villa. Y'a la recul, y'a les outils, y'a les gilets sous les hoodies. J'porte les gorges pour ourti. 200 bars en bling pour le shooting. On va manger que du Gucci. Attends de voir chanter les morts autour de ma tombe. On empile dans les corps inanimés. Tiens à ma vie tant que ma maman attend que du feu dans les veines et du feu dans les gènes. Et les chaînes, elle attend le dégel. Mais la flamme vit dans le glaçon, dans les bas-fonds des bas-fonds. Où là, je n'ai pas la raison. Les basses gâches criminelles et frottent dans l'arrondissement. Dans les bas-fonds des bas-fonds, le cache coton le plafond. On fait rentrer par les mâtons, violet, vert, jaune et marron. C'est Marseille en direction de Paris Centre, collaboration que je trouve très intéressante. Tu fides le poste quand il faut, dis-le dans le blog, dis-le de la jaune sur le banc, dis-le de la planche. Marseille en direction de Paris Centre, collaboration que je trouve très intéressante. Tu fides le poste quand il faut, dis-le dans le blog, dis-le de la jaune sur le banc, dis-le de la planche. Let's go. Les yeux vers le ciel, les pieds sur terre, on espère, mais sans rien faire. What I know? Ah. Paris Centre. 1, 3.